Audible, raconte-moi une histoire. Il était une fois, à l'époque où la savane recouvrait la plus grande pour partie grandir, de l'ouest. Il suffit parfois de changer de point de vue. Notre manière il de marcha voir dans choses, la forêt sans s'arrêter, ressassant dans sa tête les derniers. Des murmures lui parvinrent, indistincts. Une minute s'écoula sans un bruit. Soudain, elle entendit une respiration derrière elle. Téléchargez l'appli Audible. Votre premier livre audio est offert. Je vous propose de redécouvrir une série d'émissions autour de l'Odyssée de Homer, initialement diffusée fin août 2019. Au chant 3 de l'Odyssée, Télémaque, qui est parti à la recherche de son père Ulysse, disparu depuis près de 20 ans, rencontre Nestor. Nestor est l'un des héros de l'Iliade. C'est le meneur de chars qui a combattu aux côtés d'Ulysse. C'est aussi le vieillard sage et bavard dont les discours ne finissent jamais et qui, face à Télémaque, se remémore non sans nostalgie ni fierté la guerre de Troie et le visage d'Ulysse dont la ruse lui inspire bien du respect. Ah, mon petit, tout ce que nous avons souffert, nous, Achéens, là-bas, dans ce maudit pays, 9 années à leur tailler des croupières aux Troyens, avant que Zeus consente à la victoire des Achéens, oui, 9 années d'embûches, de pièges, de ruses. Ah, pour les ruses, le plus fort, le plus malin, c'était ton père, petit. Ça, pas un à l'égaler pour l'esprit. Et à te regarder, toi qui me dis être le fils d'Ulysse, j'éprouve comme du respect, oui. D'ailleurs, je suis confondu par plus d'une ressemblance entre toi et lui. Quand tu parles, pas la voix, non, tu es trop jeune, mais les mots, les façons de dire, c'est lui. Vrai ? On ne s'attend guère à entendre un jeune homme s'exprimer comme tu fais, aussi bien, aussi juste. Oh oui, tu me le rappelles, cet Ulysse divin. À l'assemblée du conseil, Ulysse et moi, nous étions toujours du même avis. Toujours. Même cœur, même entendement et même prudence dans les avis. C'est la route qui nous mène loin du monde et des problèmes. Gazelle aimable, oh gracile de velours, j'ai vendu des bagambagues. Les mouettes m'écrient leur bonjour. Bonjour. Oh mon bateau. Tu es le plus beau des bateaux et tu me guides sur les flots. Qu'il y a de plus beau, tu es le plus beau des bateaux. Attention, parce que le bateau, celui d'Ulysse, va prendre cher. Aujourd'hui, il va l'emmener en direction des sirènes et va complètement se déliter et finir en radeau. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Ulysse, deuxième temps, enfin l'Odyssée d'Homère, deuxième temps, toujours aux côtés d'Ulysse et aujourd'hui en compagnie de Pierre Bergougnou. Bonjour à vous. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints pour cette seconde émission sur l'Odyssée d'Homère. Alors, quand Nestor parle d'Ulysse, le premier adjectif qui lui vient à la bouche, c'est celui de rusé. Est-ce oui. ainsi que vous le caractérisez ? Sans aucun doute, oui. Oui. La culture dont nous sommes les légataires, je vais parler un peu anglais, mais c'est une citation de l'historien Fernand Braudel. Le trend rationnel prend sa source là, vers le 9e, 8e siècle avant notre ère. Et rien ne témoigne mieux de cette orientation décisive de la culture occidentale que ce monument rayonnant que composent l'Iliade et l'Odyssée d'Homère. Nous sommes les enfants d'Homère, sans y faire autrement réflexion. Lorsque nous avons quelque chose à raconter, nous le versons dans cette prodigieuse matrice dont il a été l'inventeur. Nous tous ou nous autres écrivains, puisque vous êtes écrivain, Pierre Bergougnou. Vous, moi, tous. Quiconque ouvre la bouche pour rapporter quelque chose, le fait en des termes, dans un cadre, qui ont été tracés très magistralement par quelqu'un qui n'a peut-être pas existé et qui s'appelait ou ne s'appelait pas Homère. Il a inventé le récit rationnel. Et ce faisant, il a marqué une rupture non seulement décisive, mais définitive, avec les formes qui avaient prévalu et précédé, ou précédé et prévalu, et qui étaient mythologiques. Homère est celui qui nous oblige, lorsque nous décrivons un fait, à veiller à la constance identitaire du personnage. Le personnage est un, au lieu d'être le siège à toutes sortes de métamorphoses qui fait que les hommes et les femmes raisonnables que nous sommes ne savent plus sur quel pied danser. Le cadre dans lequel agit ce personnage et l'identité fixe est orienté temporellement et spatialement. Et enfin, tout fait est subordonné au principe de causalité. C'est ce que Homère a fondé d'un seul coup vers le 8e ou le 9e siècle avant Jésus-Christ, et à quoi nous demeurons fidèles. C'est étonnant parce que quand on lit l'Odyssée, même de manière chronologique, on a plutôt l'impression au contraire d'être mené en bateau, le début n'est pas le début chronologique, les récits s'enchassent, on ne sait pas quelle est la suite logique qui va arriver. Bien souvent d'ailleurs, elle est moins logique au sens où nous autres modernes l'entendons que magique ou due à une intervention divine. Sans Donc doute. Il est étonnant. Alors quel type de rationalité est à l'œuvre ici? Celle à laquelle j'ai renvoyé, la fixité identitaire du personnage, l'orientation spatio-temporelle. Un principe de causalité qui s'affirme avec force, même s'il demeure marqué, entaché d'éléments magiques de la période antérieure. Les Grecs persistent à penser que des dieux qui peuvent emprunter n'importe quelle apparence, on pourra en reparler un peu plus tard, évoluent parmi nous et décrètent en haut lieu au politburo de l'Olympe qu'il va arriver telle chose à tel personnage, sachant que le personnage, pour humain qu'il soit, n'en recourt pas moins à cette capacité que les dieux nous ont accordée et que peut-être ils nous envient, le discernement, l'entendement, l'intelligence, surtout lorsqu'elle est rusée. S'il entre un peu d'enfer, dans le feu ou la lumière de l'intelligence d'Ulysse, c'est que il sent bien, et nous peut-être encore un petit peu aussi, qu'il y a de la malignité dans le monde, que non seulement les êtres, mais les choses s'ingénient à nous nuire, ne fût-ce qu'en nous refusant, par exemple, l'explication ouverte, ingénue de ce qu'elles sont, quoi se donner toute cette peine pour pouvoir nous prononcer en notre âme et conscience sur la nature d'un fait. Vous pensez à quoi, par exemple? Quel fait? Mais quelque fait que ce puisse être, toutes les choses qui nous environnent, pour ne rien dire de cette chose que nous sommes et pour laquelle il y a toutes les choses. Les Grecs ont pressenti, c'est un peu plus tard, du côté d'Athènes, vers le 5e siècle avant Jésus-Christ, la disproportion entre la psyché, notre âme, notre esprit, et la physis, la nature. C'est une partie désespérée que celle que nous jouons. Dès l'instant du moins que nous élevons la prétention criminelle, d'être fixé sur ce qu'il y a, ce qui se passe, ce produit nous arrive. Donc c'est une forme de constat de l'absurde, en fait? Pas tout à fait de l'absurde, mais... D'un monde qui, pour nous, ne peut pas être entièrement explicable, et d'un écart entre nous et le monde. Du conflit irrémédiable entre, allons-y, d'un côté, notre esprit, le prodige des prodiges, dit le philosophe Edmond Husserl, et puis, de l'autre côté, ce qui n'est pas notre esprit, et qui, par malignité, oppose les pires difficultés à ce que nous le comprenions, l'entendions, je vais utiliser un anachronisme, nous en rendions possesseurs et maîtres. Ce que j'allais dire, vous êtes un peu cartésien, non? Un peu. Dans votre lisant, dans votre vision du monde, et dans votre lecture de l'Odyssée, est-ce que vous distinguez l'intelligence et la ruse? Ou est-ce que ce sont deux synonymes pour vous, appliqués à Ulysse, hein, j'entends? Une ruse peut être grossière. L'intelligence, en principe, non. Elle réalise la condition de félicité cartésienne, à savoir le mariage, la lumière nuptiale de l'évidence, entre la chose et notre pensée. La ruse peut être grossière, le gros paysan. L'intelligence, en principe, non. Elle est le meilleur de ce qui nous ait été alloué. Nous sommes, enfin, que je sache, les seuls du règne animal, du monde vivant, à avoir touché en partage cette capacité de comprendre toutes les choses. Ou à tout le moins de leur faire toutes sortes de questions à quoi les intelligences non humaines sont étrangères. Et pour vous, le texte de l'Odyssée célèbre les vertus de l'intelligence ou en montre les limites ? Les deux. Célébrer les vertus de l'intelligence, immédiatement rencontrer les limites auxquelles continuellement elles se heurtent. Je pense à la Bruyère, depuis qu'il y a des hommes et qui pensent, oui. Oui. Mmh. Sauf que c'est la première fois, me semble-t-il, dans l'histoire de l'espèce pensive, que des hommes expérimentent, je dirais, en pensée, dans cet ordre second qui est celui de l'écrit, de la littérature, ce que peut l'intelligence contre toutes les forces ennemies qui sont liguées contre elle et s'ingénient à la tromper, à la perdre, à la vaincre, à la dissiper, à la balayer. Prenons un cas précis, puisque c'est exactement la situation d'Ulysse dans l'Odyssée. Hein, qui est envers et contre les dieux, ses ennemis, ses traîtres, etc. Doit tenir bon et faire face, et il y arrive. Alors, oui. Un exemple, par exemple, au chant 5 de l'Odyssée. Oui. Ulysse s'est libéré de l'accueil ambivalent de Calypso. Oui. Et condamné par Poséidon à errer sur les flots, car on l'a vu hier, hein, Ulysse a rendu aveugle son fils Polyphème, le cyclope qui n'avait qu'un œil et que Ulysse a brûlé, eh bien il erre et vogue sur les flots pendant des jours et des nuits, accroché à son radeau, et à un moment, et voici le récit de ce moment, il voit avoir une idée. Est-ce la sienne ? Lui est-elle soufflée ? L'idée en fait de laisser partir son radeau pour nager avec ses propres bras jusqu'au rivage. Écoutons le récit, vous nous direz ensuite, Pierre Bergougnou, s'il s'agit ici d'une ruse ou d'une bonne idée, c'est pas toujours la même chose. Ulysse demeura longtemps enseveli sans pouvoir remonter sous l'assaut du grand flot et le poids des habits que lui avait donné Calypso la divine. Enfin, il émergea de la vague. Sa bouche rejetait l'âcre écume dont ruisselait sa tête. Mais tout meurtri, il ne pensa qu'à son radeau. D'un élan dans les flots, il alla le reprendre, puis s'assit au milieu pour éviter la mort et laissa les grands flots l'entraîner çà et là, au gré de leur courant. Ino l'aperçut, la fille de Cadmos aux chevilles bien prises, qui, jadis simple femme et douée de la voix, devint au fond des mers Leucothéa et tint son rang parmi les dieux. Elle dit « Contre toi, pauvre ami, pourquoi cette fureur de l'ébranleur du sol et les maux quand sa haine te plante, Poséidon ? Sois tranquille pourtant. Quel que soit son désir, il ne peut t'achever. Mais écoute-moi bien. Tu parais plein de sens. Quitte ses vêtements. Laisse aller ton radeau où l'emportent les vents et te mets à la nage. Tâche, à force de bras, de toucher au rivage de cette phéacie où t'attend le salut. Prends ce voile divin, tends-le sur ta poitrine. Avec lui, ne crains plus la douleur ni la mort. Mais lorsque de tes mains tu toucheras la rive, défais-le, jette-le dans la vague vineuse, au plus loin, vers le large, et détourne la tête. » Laissez-vous voguer aux côtés d'Ulysse sur les chemins de la philosophie sur France Culture ce matin en compagnie de l'écrivain Pierre Bergougnou qui loue les vertus de la ruse mise en œuvre par Ulysse. Dans ce passage, Pierre Bergougnou, c'est plus ambivalent. Il suffit de l'écouter, hein, donc Ulysse demeure enseveli, d'un élan dans les flots, il allait le reprendre, il manque de rencontrer la mort. Et puis Ino, même si on ne sait pas qui est Ino, arrive et lui dit « Tu parais plein de sens, voici donc des conseils, quitte ses vêtements, laisse aller ton radeau et mets-toi à nager. » Quand on entend ce texte, on dit « mais c'est pas Ulysse qui est rusé, c'est cet Ino qui lui donne la bonne idée, il y est pour rien, il ne fait qu'obéir à quelqu'un qui n'est pas lui. » Alors qu'en est-il ? Est-ce qu'il existe une réponse ? Je ne sais pas. Une chose est certaine, l'intelligence peut, à la limite, sembler mener une existence distincte de celui à qui pourtant elle appartient. Il y a une deuxième chose qui me trouble beaucoup dans ce passage, alors c'est peut-être une déformation professionnelle, un travers de prof de collège, cette idée de se jeter à la mer en pleine tempête a été, me semble-t-il, reprise presque mot à mot par un immense écrivain qui s'appelait Edgar Allan Poe, dans une des nouvelles extraordinaires qui s'intitule « Dans le Maelstrom ». Trois pêcheurs norvégiens analphabètes ont été pris dans une sorte de gigantesque tourbillon avec leur navire et vont être entraînés vers le fond qui est hérissé de rocs sur lesquels ils vont être déchiquetés, broyés. Le cadet des trois frères a accepté de mourir et regarde d'un œil détaché, froid, comme s'il était déjà mort, ce qui est en train de se passer. Et il constate que les corps, les épaves dont la mer est chargée, descendent d'autant plus vite vers le fond où les attendent les rochers, que ces corps sont plus volumineux et que leur forme se rapproche de la sphère. La marée va se renverser dans quelques heures. Il en tire immédiatement la conclusion, quelque effrayant, terrifiant que cela puisse être, un homme étant plus petit qu'un bateau et de forme cylindrique, il faut que je me jette à l'eau tout de suite et je me donne une chance de bénéficier du renversement de la marée avant d'avoir atteint le fond de l'abîme. Là, c'est une raison calculatrice. Tout à fait, mais c'est la raison. Ce qui me semble constituer, j'en ai parlé pour commencer, le principe directeur de notre culture, c'est cette application méthodique de notre esprit à tout ce qui n'est pas lui, à tout ce qui peut nous remplir de terreur ou d'horreur, et ce faisant, et alors même que la partie semble perdue, tant la disproportion est grande entre le peu que nous sommes et l'énormité de ce que nous affrontons, nous pouvons nous sauver. Ulysse obéit, pour le coup, à ce que lui suggère Ino. Alors, qui est Ino ? Ino, c'est la mouette, c'est la déesse, le côté A, qui, adoptant la forme d'une mouette, vient donner à Ulysse ce conseil en apparence criminel, comme si ça n'était pas assez de la colère de Poséidon qui vient de soulever l'océan pour perdre notre héros. Voilà-t-il pas qu'un oiseau vient lui dire quelque chose qui ressemble beaucoup à des sornettes, avant qu'il ne s'avère, mais à l'épreuve, à l'expérience, que c'est le bien, le salut d'Ulysse que Ino avait en vue, et qu'elle n'était pas quelque envoyé d'une puissance divine, ennemie, maléfique, qui aurait de ce fait parachevé la ruine d'Ulysse après que Poséidon avait drossé soulevé la mer contre son radeau. C'est très loin, ça fait 3000 ans que Homère, ou ceux qui portaient ce nom, ont porté l'Odyssée et l'Iliade sur les fonds baptismaux. Je pense qu'un certain nombre de choses se sont perdues, mais qu'en même temps, quelque chose, cette posture non seulement intellectuelle, j'ai employé un bien grand mot, pardonnez-moi, cette attitude existentielle qui était celle naissante des Grecs du IXe siècle et dont Homère s'est fait le lumineux interprète, cette attitude demeure la nôtre. Et fait que nous entrons quelque sorte de plein pied dans l'Iliade et surtout dans l'Odyssée, même si ici ou là, et parce que 30 siècles ont passé, nous ne savons plus trop exactement sur quel pied danser. Vous dites que vous aviez enseigné en collège ? Oui. Est-ce que vous parliez d'Homère à vos élèves ? Mais bien évidemment, mais forcément, mais inévitablement. Je me rappelle moi-même, c'est une confidence que je vous fais, l'avoir lu clandestinement dans le manuel de morceaux choisis de 5e qu'on m'avait confié, pendant que le professeur nous expliquait les plaideurs de Racine, que je trouvais tout sauf comique. Donc, en me cachant, bien évidemment. Oui, parce que les plaideurs est censé être la comédie de Racine. Voilà. La plus connue, en tout cas. Donc, Racine est ennuyeux comme tout, je le dis froidement, alors que je trouvais un plaisir infini à lire sur mes genoux, sous mon bureau, l'Odyssée de Homère et m'émerveiller de ce qu'il parle, du vin au noir, reflet des cuves polies, de l'huile parfumée, et éventuellement, je tremblais un petit peu, et bien que d'un seul coup, le cyclope surgisse, et qu'on se demande vraiment, enfin, le gamin de 5e que j'étais, se demande vraiment comment venir à bout de cette horreur qui mesure une douzaine de toises, et opposée l'équivalent d'une tonne et demie, jusqu'à ce que je comprenne, et avec ravissement, qu'à peine entré dans la grotte, et comprenant qu'ils ont affaire à un monstre anthropophage, Ulysse n'est parcouru du regard la caverne du monstre et d'ores et déjà rédigé d'une main invisible le scénario de libération. Il faut pas le tuer, on ne pourra jamais bouger cet énorme rocher qui obture l'entrée. Donc rappelons, même si on en a parlé hier, oui. Ulysse est tenu captif par Polyphème, le cyclope, dans une grotte, en fait dans une montagne, avec le côté de son équipage, que Polyphème ferme à l'aide d'un énorme rocher que lui seul peut déplacer. Oui. Et tous les matins, il le déplace juste assez pour que chaque mouton, il a un c'est troupeau ça. De moutons, puisse sortir, et tous les soirs, il le déplace à nouveau pour que les moutons puissent entrer. Oui. Et donc pour s'échapper, Ulysse met au point le stratagème suivant, il veut lui brûler l'œil, donc, et ensuite s'accrocher sous le mouton, et ses compagnons font de même avec chaque mouton, enfin lui c'est un bélier, et sortir au moment où Polyphème déplace le rocher. Polyphème étant aveugle, passe sa main sur le dos du mouton, et donc ne voyant rien d'autre qu'un mouton, les laisse sortir. Voilà. Et vous dites, c'est un scénario de la libération. Oui, la délivrance. À quoi s'ajoute le fait qu'il lui administre deux outres de vin au noir reflet, et lui fait une fausse confidence. Tu sais, Cyclope, mon nom... c'est personne. Alors, il faut se rappeler qu'en grec, le nom d'Ulysse se dit Odysseos et personne se dit Oudaïs. Quand on ment, notre visage tressaille. Nous avons, semble-t-il, un rapport organique à la vérité. Et quelque chose imperceptiblement nous trahit si on n'est pas fidèle à la vérité. Je pense que le cyclope, quoi qu'il ne possède qu'un œil, un œil perçant. Et que le moindre tressaillement sur la physionomie de son interlocuteur ne lui échapperait pas. Mais Odysseos ou Deis sont si proches que c'est un très petit mensonge et que le tressaillement sur les traits d'Ulysse demeurera suffisamment peu perceptible pour échapper à l'attention du cyclope. Et lorsque... qui est ivre-mort au moment où il lui parle en même temps. Voilà. Donc, voilà. Pas très attentif. Et lorsque, à quelques... temps de là, quelques heures de là, le cyclope, l'œil crevé par le tronc d'olivier, qu'on a taillé en pointe et durci au feu, entend ses camarades l'appeler du dehors. « Mais qu'est-ce qui t'arrive? Qui t'a fait du mal, Polyphème ?»« Oudaïs, personne. »« Ah ben alors c'est un rêve qui t'a visité, nous regagnons nos tanières. » Là encore, preuve ultime de la ruse d'Ulysse. Mais c'est très bien, il dit au cyclope qui s'appelle personne, car lorsqu'on demandera au cyclope ce qu'il s'est passé ou qui lui a fait ça, il dit, il dira « c'est personne ». Oui. Et de cette ruse, ce qui pourrait être un jeu de mots, eh bien on en a fait, enfin la postérité de cette réponse, cette fameuse réponse personne, est encore très vive aujourd'hui. Mais vous disiez, c'est l'Odyssée comme le texte de l'identité constante. Et pourtant, cette identité, c'est personne, c'est comme Homère, c'est personne. Il y a toute une mise en abîme ici. Je pensais, c'est une petite pédanterie, à la jolie définition que le philosophe Thomas Hobbes avait donné de la raison. Il y a plusieurs définitions de cette faculté qui est le propre des bipèdes pensifs. La raison, c'est le calcul des conséquences. En pensée, on quitte le présent et on s'achemine dans l'avenir. Là, on verra ce que sont les suites de la décision qu'on a prise dans le passé, en quoi, momentanément, c'est muet le présent. Puis, fort des enseignements qu'on a recueillis dans ce futur fictif, on s'en retourne dans le passé, c'est-à-dire au présent, et on agit à la lumière de ce calcul anticipé des conséquences auxquelles on a procédé. Or, Ulysse a déjà déroulé, en quelque sorte, tout le scénario de la délivrance à laquelle ses compagnons survivants lui aspirent. Il ne faut pas le tuer, la grosse brute, parce qu'on n'arriverait pas à bouger ce rocher. Donc, lui mentir, donner une fausse identité, le saouler et sortir le moment venu, ce pieu d'olivier durci au feu, lui crever l'œil, et pour échapper enfin à ses griffes, eh bien, s'agripper au ventre des moutons et des béliers et regagner notre bateau. Il y a un détail où Ulysse se comporte comme un petit garçon. Et je me demande en quelle mesure Homère en était bien conscient. Homère a-t-il pu n'être pas conscient de ce qu'il faisait, j'en doute. Lorsque Ulysse et son compagnon ont regardé leur croiseur à la proue azurée et s'éloignent à force de rame du rivage de Polyphème, Ulysse ne résiste pas au plaisir puéril de dire « Tu sais, Polyphème, mon vrai nom, c'est Ulysse, fils de Laërte, et non pas, comme je te l'avais dit, personne. Et c'est moi qui t'ai crevé l'œil. Et Polyphème, qui n'a plus d'œil, mais qui a des oreilles, au bruit détermine approximativement la distance qui sépare le croiseur de l'endroit où il se trouve, il attrape un rocher énorme, le jette en direction de la voie d'Ulysse, et manque d'un cheveu de les couler tous à fond. Comme quoi, il y a encore des traits d'enfance dans cette raison mûrie qui est en train d'éclairer, d'illuminer dans un premier temps la Grèce et de proche en proche toute l'Europe occidentale et le monde entier. Ce qui montre bien que Ulysse ne se réduit pas à une raison ni une machine à calculer greffée sur un organisme, qu'est-ce qu'une autre définition que Hobbes propose de l'être humain. Je vous propose d'écouter un autre épisode après alors le cyclope que vous venez de nous raconter. Voici l'épisode des sirènes, nous sommes au champ 12. Ulysse est prévenu que sur son chemin il va croiser des sirènes, que celles-ci vont redoubler de stratagèmes de séduction afin de l'attirer. Bon, il pourrait tout simplement se mettre de la cire dans les oreilles, c'est ce qu'il conseille à son équipage de faire pour ne pas entendre le chant, mais non. Sans doute désire-t-il quand même entendre ce chant et ne pas se priver de la beauté du chant des sirènes. Et donc il décide de garder ses oreilles sans cire à l'intérieur, mais d'être attaché à un mât pour ne pas céder à la tentation de les serrer dans ses bras. Écoutez l'épisode narré par une fiction de France Inter en 1965, puis ensuite quelques secondes de l'analyse proposée par Vladimir Jankélévitch. Hey, il est temps. Vite, le gâteau de cire et mon poignard. Voilà. Aide-moi, Eurylioc. Oui, oui, oui. Il faut couper la cire en autant de petits morceaux que vous avez d'oreilles, vous tous, dans l'équipage. Allez, allons-y, les enfants. À bon banc. Hey, allez, que je n'oublie pas une tête. Entends-tu quelque chose? Entends-tu quelque chose? C'est à moi que tu causes? Comprends pas, j'entends rien. Bon, très bien, très bien. Toutes oreilles bouchées sur le navire, les compagnons d'Ulysse, à ses ordres, obéissent. Le voici ligoté, pieds et poings liés, immobile, debout, le dos au mât, fixé à celui-ci par plusieurs tours serrés de cordes bien solides. Ils brassent de leurs rames la mer grise d'écume. Le noir vaisseau semble voler sur l'eau plus vite encore. Mais l'inévitable survient. Elles ont vu les sirènes. Au creux de cette nef rapide qui passe tout près d'elle, des hommes. Et leur magie commence. Oh. Oh, leur incantation me pénètre les moelles. Et me tire. Et me tire. Détachez-moi! Arrêtez! Arrêtez! Allons chez les sirènes! Oh, misère, misère! Oh, je vous en supplie, déliez-moi! Tiens, tiens! Encore 6 pieds de corde! Avec un nœud marin! Allez, gigote et crie et pleure! Et tu y resteras contre ton mât! Mesdames, je m'appelle Ulysse Sévret McGill. Vous êtes les plus jolies. Nénuphar que j'ai jamais. Gnoll. Go to sleep, you little baby. On pourrait dire que la tactique d'Ulysse est une sorte de défi. C'est un défi qui consacre, en somme, l'impuissance des séductrices prétendument irrésistibles. Ulysse se condamne lui-même au supplice de Tantale, mais à partir du moment où il se fait attacher, les enchanteresses ont beau s'égosiller, elles en sont pour leurs frais, elles font un concert pour des sourds ou pour un paralytique. Enfin, une simple corde a suffi à entraver les entraînements de la chair et en somme à réprimer le tropisme de l'instinct. Contrairement à ce que la beauté des chants laisse entendre, Pierre Bergougnoux, que ce soit dans la fiction hein, de France Inter qui date de 1965, ou dans la version de Oh Brothers des frères Cohen, qui est une adaptation contemporaine de l'Odyssée. Celles-ci ne sont pas très belles dans l'Odyssée. Ce sont plutôt des sortes de monstres ailés. Ça ne correspond pas aux sirènes telles qu'on les imagine, avec leur queue de poisson qui nage dans les flots. Là encore, 30 siècles ont passé. Et il est difficile de se représenter ce que se représentaient ces hommes, puisqu'il s'agit d'hommes, d'il y a 30 siècles. Oui, bon, nos cervelles sont saturées par toutes sortes d'apports intermédiaires, des légendes nordiques en particulier. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que disait Yankelevitch. Ulysse est non seulement quelqu'un qui exploite au maximum les ressources de son intelligence, mais il est ouvert et très sensible, allons-y, à la splendeur du monde. Comme du reste Homère. C'est la première fois dans l'histoire du texte, de littérature, qu'il ait fait mention avec cette gourmandise, cette attention, des brillants reflets du linge, des huiles parfumées, du bronze poli. Le thème de l'Odyssée est un thème beaucoup, beaucoup plus ancien que l'âge grec. L'équipée en zone hostile, on la trouve déjà dans le premier texte écrit dont nous disposions, qui est l'aventure de Gilgamesh, qui doit dater, semble-t-il, du deuxième millénaire, et qui exalte les exploits d'un roi, d'un tyran de la ville de Uruk, enfin je ne sais pas comment on dit. Mais c'est la première fois, me semble-t-il, qu'un esprit, un grec, s'avise de confier au papier ses observations sur la chair même du monde, son éclat, sa fraîcheur, sa saveur. Je ne pense pas que jamais personne n'avait parlé des dames en termes comparables à ceux qui viennent spontanément aux lèvres d'Ulysse lorsqu'il rencontre Nausicaa sur le rivage des Phéaciens. Pour trouver à peu près l'équivalent, il faut patienter 500 ans, et c'est le Cantique des Cantiques. Et pour trouver l'équivalent du Cantique des Cantiques et de la rencontre avec Nausicaa, il faut attendre la pièce de théâtre d'un Anglais qui s'appelait William Shakespeare, je crois, dans Roméo et Juliette. Roméo découvrant la petite Capulet. Oh, c'est elle qui apprend flambeau à briller. Voilà. Et Ulysse devant Nausicaa, es-tu une déesse ou une mortelle? Ton aspect me confond, je n'ai jamais rien vu qu'il soit comparable. Si, le rejet d'un palmier sur l'azur du ciel à Delphes. Voilà le genre d'homme qu'étaient les Grecs du 9e ou du 8e siècle. Et c'est de cette façon que vous interprétez le désir d'Ulysse de ne pas se boucher les oreilles face aux sirènes, pour ne rien rater de ce que cette expérience peut lui offrir, y compris de beauté. Mais bien sûr, inventorier la splendeur du monde, puisque les conditions se trouvent désormais réunies pour qu'on puisse les sentir mieux, les apprécier véritablement, s'en ouvrir à ses semblables, statuer à leur sujet. C'est la dernière pédanterie de la journée. Nous n'avons jamais que deux facultés, l'entendement et la sensibilité. Ulysse est un esprit perçant, c'est un homme d'entendement, mais c'est un garçon sensible. Et d'autres que lui, d'ailleurs, dans l'Odyssée, sont dotés d'une sensibilité assez vive, et pour certains, je pense à Ménélas, sacrifient ouvertement et le disent à la mélancolie. Eh bien, on va retrouver Ménélas, qu'on n'en a pas beaucoup parlé, on n'en a pas parlé hier, ou presque pas, et il est temps qu'on le rejoigne. D'abord, vous avez dit on a deux facultés, l'entendement et la sensibilité, mais vous êtes romancier. Pas vraiment, non. Bah, l'imagination. Je n'ai pratiquement pas d'imagination, je me borne à décrire un certain nombre de choses dont j'aurais bien aimé qu'on me dise le nom quand j'étais petit, et comme personne ne s'en est soucié, c'est moi qui ai dû m'occuper d'aller chercher là où ce qu'il était. C'est-à-dire ? Eh bien, je ne sais trop, dans l'ombre qui nous environne, et qu'il s'agit de repousser parce qu'elle est importune, et qu'on aimerait bien vivre en claire connaissance de cause relativement aux choses auxquelles nous avons affaire. Trouver le mot le qui mot, désigne la chose. Le mot, la chose la plus précieuse qui soit au monde, c'est parfois un mot, c'est ça. Ça n'est que cela, mais c'est tout cela. C'est ce mot, un des 15 000 du français ordinaire, des 15 000 que tous nos compatriotes possèdent. On va se plonger dans l'un des 9000 vers, je crois, de l'Odyssée. Voici donc la tristesse de Ménélas, au chant 4, dans une traduction de Victor Bérard, ce qui d'ailleurs concerne le texte précédent. On l'écoute et vous nous direz ensuite pourquoi ce choix. Je vous vois trépigner d'impatience. Vous avez bien raison, parce qu'on a loué la traduction de Philippe Jacotet, alors il en faut bien pour Victor Bérard. Voici le texte, en tout cas, lu par Thibaut de Montalembert. Chers enfants, Zeus n'a pas de rival ici-bas. Chez lui, rien n'est mortel. Ni maison, ni richesse. Quant aux humains, comment savoir s'il en est un qui m'égale en richesse? Mais qu'il m'en a coûté de maux et d'aventures pour ramener mes vaisseaux pleins après 7 ans. Aventure en Chypre, en Phénicie, dans l'Égyptos et chez les nègres. C'est pendant qu'en ces mers j'allais à l'aventure, faisant mon plein de vivres, que l'autre surgissait de l'ombre et me tuait mon frère. Ah, trahison d'une femme perdue. Non, je n'ai plus de joie à régner sur ses biens. Vos pères, quels qu'ils soient, ont dû vous le compter. Que de maux j'ai souffert, quel foyer j'ai perdu, peuplé d'êtres si chers avec une si belle et si grande opulence. Plutôt ciel que, n'ayant qu'un tiers de ces richesses, j'eusse vécu chez moi et qu'ils fussent en vie, tous les héros tombés dans la plaine de Troie, si loin de notre Argos, de nos prés d'élevage. Ah, sur eux tous, je pleure et me lamente tant, et combien de fois, en ce manoir tranquille, je sanglote parfois pour soulager mon cœur, et parfois je m'arrête. Du frisson des sanglots, l'homme est sitôt lassé. Oui, sur eux tous, je pleure. Mais en cette tristesse, il est une mémoire qui m'obsède partout, au lit comme au festin, car nul des Achéens ne sut peiner pour moi comme peinait Ulysse, et d'un si bel élan, dire qu'il n'a trouvé que souffrance au bout. Pour moi, c'est un chagrin qui jamais ne me quitte de le savoir toujours absent et d'ignorer son salut ou sa mort. Qu'est-ce qui vous bouleverse le plus, Pierre Bergogneau, le texte d'Homère, la musique de Rachmaninoff ou la traduction de Victor Bérard? Les trois. Pourquoi la traduction? Ou la tristesse de Ménélas. Je commencerai par la traduction de Bérard, parce que c'est grâce à lui que j'ai pris connaissance du texte homérique. C'est de lui qu'on s'est servi jusqu'en 1965 au moins. Et je ne peux faire que la première... impression l'emporte sur toutes les autres. Et je continue de préférer, quoi qu'elle soit un peu désuète, passablement datée, cette traduction à celle plus libre, plus audacieuse, qui ont suivi. Ménélas, enfin, il rentre vivant, alors que son frère Agamemnon est assassiné par Égiste et Clytemnestre. Il a, pendant 6 ou 7 ans, pratiqué, si j'ai bien compris, la piraterie au large de l'Égypte et rapporté de plein vaisseau d'électrons, d'or, d'argent, d'ivoire et de richesses de toutes les sortes. Hélène d'Argos est là, revenue de la folie furieuse dont elle s'était prise pour Paris, le Bélâtre. Eh bien non, il n'est pas content. Il pleure pour soulager son cœur comme un petit garçon. Et... cet homme qui règne sur la divine Lacénémone, ce blond Ménélas, jette d'entrée de jeu cette note affligeante dans le concert. En même temps, il est beau que déjà Homère, entre 1000 talents, vertus qu'il possède, face à cette mélancolie, à cette tristesse, à cette espèce de désespoir, toute leur place. Mais pourquoi est-il triste? Eh bien, parce que il ne s'est pas consolé d'avoir laissé au rivage deux, trois, la moitié ou les deux tiers de ses compagnons, de ses amis, des Achéens. C'est une guerre extrêmement meurtrière. Quand on lit l'Iliade, assez peu survivent. La mort voile son regard. Mais la survie rentre, mais quelque chose de la guerre de Troie, près de 20 ans plus tard, le garde sous son ombre portée, comment dirais-je, sanglante, rougeoyante. Oui, la tristesse de Ménélas. J'ajoute, c'est à cette occasion qu'on voit apparaître Hélène d'Argos. Et il est difficile, quand on a une vague idée de ce qui s'est passé alors, il est difficile de rester de sang-froid. Vos yeux pétillent quand vous évoquez Hélène. Mais bien sûr. Bon, finalement, je me trompais. Ce n'est pas deux pédanteries, mais trois. On vous les accorde toutes ce matin, allez-y. C'est gentil à vous. À la fin d'un de ses derniers romans, qui doivent s'intituler, je crois, Le Domaine, un écrivain américain qui s'appelait William Faulkner considère que son héros, qui est une espèce de salarié agricole du Mississippi, est désormais l'égal des très grands, des très beaux, virgule, des évêques, virgule, d'Hélène, virgule, des séraphins méprisants et damnés, point final. Bon, c'est toujours une très émouvante chose, 30 siècles plus tard, que d'arriver, de débarquer chez le blanc Ménélas, et alors qu'il est en train de pleurer en quelque sorte sur tous ces morts là dans le souvenir, la campagne, de voir Hélène entrer avec son fuseau d'or et avec cette perspicacité extraordinaire, identifier immédiatement Télémaque, c'est le fils de Ulysse. Oui. Ménélas n'y a vu que du feu. Comme la moitié du genre humain, je veux dire les hommes au sens étroit du terme, c'est un crétin. Et les femmes savent tout. Mais ne nous le disent pas. Alors on est obligé de chercher partout et naturellement on ne trouvera jamais. Ça c'est la prolongation du cartésianisme. Il y a l'esprit d'un côté, la matière de l'autre, les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. Je ne sais pas de quel côté elles se situent, mais ce n'est pas le sujet de la discussion. De la divination. Hélène c'est tout. Hélène est aussi est de loin la plus rusée d'ailleurs. Mais bien évidemment, elle raconte dans ce même livre 5 que, alors qu'elle était encore fort éprise de Paris, l'idée lui est venue que ce cheval de bois que les Grecs venaient d'abandonner sur le rivage pouvait cacher quelque chose. Et elle se traite elle-même de face de chienne 20 ans après. Elle se met à tourner autour du cheval en imitant la voix des épouses des guerriers qu'elle y suppose enfermés. Ce crétin d'Anticlos est pour répondre, et Ulysse, voyant qu'il va les trahir tous, se précipite sur lui et le bâillonne, empêchant que la ruse soit éventée et qu'ils ne périssent tous sous les coups des Troyens. C'est Hélène en personne qui, accompagnée d'un des fils de Priam, fait le tour du cheval et, avec ce talent, sur lequel d'ailleurs elle n'épilogue pas, imite la voix de toutes les épouses des guerriers grecs qui sont vraisemblablement les plus qualifiées pour se tenir dans ce cheval et prendre par ruse, bien sûr, la ville. Ce sont des échos infinis que n'en finit pas de soulever ce texte fondateur de la grande narration occidentale. Vous l'imaginez comment, Hélène ? Curieusement, je n'arrive pas à l'imaginer. Ou alors, c'est un stéréotype, une grecque actionnée droit, qui paraît-il, est le profil grec. Bon, vous ne prenez pas beaucoup de risques. Non, mais j'aimerais. Je n'ai pas toujours froid aux yeux, mais non, à la limite, elle est légendaire. J'ai de la peine à la tirer de ce côté-ci de la réalité chez les vivants. Non, elle appartient pour partie au moins à ce monde, à la fois si proche par ses résonances culturelles, intellectuelles et si éloignées, 3000 ans. Je ne sais pas s'il y a une image plus précise de Nausicaa qui vous vient à l'esprit quand on évoque ce nom, mais c'est d'elle que nous allons parler à présent pour clore cette discussion ensemble, Pierre Bergougnoux. Nausicaa, alors on a beaucoup parlé des Phéaciens hier avec Pierre-Judith Lacombe. Ici, je vous propose d'écouter la rencontre entre Ulysse et Nausicaa, ne serait-ce que parce qu'elle permet d'aborder un thème qui est essentiel tout au long de l'Odyssée, qui est celui de l'hospitalité. Oui, oui. Puisque Télémaque est accueilli par Nestor, par Ménélas, Ulysse est accueilli à de nombreuses reprises, toute l'Odyssée, le récit de ces accueils. Alors voici donc une des modalités de ces rencontres, c'est toujours un extrait du feuilleton qui date de 65. Et ensuite, bien peut-être pourrez-vous nous décrire cette Nausicaa. tel un lion des montagnes à la force bandée, tel un fauve fonçant sur le bétail appétissant, tel, en sa nudité, notre Ulysse s'avance vers les filles bouclées par son désir poussé. Oh, bien que debout, oh reine, je suis à tes genoux. Que tu sois déesse ou mortelle. Je ne suis que... Oh, de déesse, oh Artémis, chez les dieux, maître des champs du ciel, la fille du grand Zeus, Artémis, c'est toi. Mais... Non, jamais mes yeux n'ont jamais vu un être humain qui te soit comparable. À Délos, autrefois, à l'autel d'Apollon, pareille beauté peut-être m'a frappé, mais c'était un surgeon de palmiers qui montait d'un seul jet vers le ciel. Lui aussi me trouble. Aujourd'hui, en pareille extase, c'est toi, jeune fille, que j'admire. Oh. Je n'ose embrasser tes genoux. Mais... Si tu savais, hier, après 20 jours sur les vagues vineuses, j'échappais à la mer. Hier ? Je ne fus des flots et des vents que le jouet, battu, déchiré, noyé, sanglant, perdu, vidé. Cher étranger... Alors comprends-tu, ô divine et candide splendeur, comprends-tu pourquoi je me demande si les dieux ne m'ont pas jeté sur ton île pour que j'endure encore de nouvelles souffrances ? Étranger, laisse-moi te dire, sous ton aspect... Répugnant. Fruste, on sent bien, étranger, que tu n'es pas... Une fois débarbouillé... Que tu n'es pas un vulgaire vilain, pas plus qu'un insensé. Alors, tu sais bien que Zeus, du haut de son Olympe, accorde aux vilains comme aux nobles, aux fous comme aux sages, ce qu'il veut pour chacun de bonheur ou de peine. Les mots qu'il t'a donnés, il faudra bien jusqu'au dernier les accepter. Pour l'instant, te voici par les dieux envoyés sur nos terres. Tu n'attendras pas plus longtemps les vêtements ni le secours qu'on doit aux malheureux suppliants. Sache déjà que c'est à notre peuple, les Phéaciens, que la terre appartient. L'honnêteté commande de préciser que lorsqu'Ulysse rencontre Nausicaa, il la trouve sans doute magnifique, mais il cherche surtout un stratagème pour l'approcher. Il ne veut pas l'effrayer, il ne veut pas tout de suite lui embrasser le genou. Et donc, là encore, ultime preuve de sa ruse, il raconte une histoire dans l'histoire de manière à pouvoir l'approcher. Il s'invente une nouvelle identité, un nouveau récit pour que celle-ci puisse l'écouter, Pierre Bergugno. Oui, je ne suis pas certain que le ton que s'est donné l'acteur de 1965... soit rétrospectivement le bon. C'était plus... Oui, c'était badin, là, disons, dans ce que nous avons entendu. Badin, côteleux, captieux, non, Ulysse... Professeur Bergugno, dites-nous. Ulysse sort de 20 jours de navigation sur la mer vineuse. Il a dormi comme un animal dans une litière de feuilles mortes sous un olivier greffé et un olivier sauvage. Il doit mourir de faim, il est encore rompu par... La tempête, je ne pense pas que le ton qu'il a adopté soit celui que lui prête cet acteur d'il y a 54 ans. Mmh. Bon, je crois plutôt que Nausicaa est une très très belle jeune fille, qu'il n'y a rien de forcé dans la comparaison que Ulysse en fait avec le surgeon du palmier, dans l'azur, au-dessus du temple de Delphes. Oui, je conçois parfaitement qu'une jeune personne de l'aristocratie phéacienne puisse être, à ses yeux, parée de toutes les grâces et lui dicter, je crois que c'est la première fois dans l'histoire, ces paroles merveilleuses. C'est la première fois, je ne sache pas, que personne, jamais un seul homme ait tenu pareil langage, comme en disait l'autre, sur la plus belle moitié du ciel. Enfin, Nausicaa sait très exactement quel rôle lui incombe, quelle part revient aux jeunes filles, et elle explique posément à Ulysse que très certainement on va lui offrir l'hospitalité, mais qu'il ne faut pas qu'on les voit ensemble, qu'elle va partir devant avec ses servantes et le linge qu'elle vient de laver dans le fleuve, après quoi elle lui demande, lorsque le soir descendra, de se rendre directement au palais de ses parents, du roi Alcinous, et de demander l'hospitalité. Elle est très sage, une profonde sagesse de cette jeune fille qui me semble participer, elle aussi, de ce stade extrêmement avancé de la civilisation auquel ces Grecs parviennent, oui, vers le 9e, 8e millénaire. Dont l'hospitalité fait partie ? Et l'hospitalité en fait partie. C'est une chose étrange. Lorsque nous regardons par-dessus notre épaule vers ces sociétés primitives, que à la fois l'extrême défiance des unes vis-à-vis des autres, ces guerres tribales infinies qu'on a encore observées jusqu'en plein XXe siècle, lorsque par exemple on a découvert les hauts plateaux de Papouasie, je lisais ça récemment. Et en même temps, l'hospitalité en tant que les routes sont longues et dures, et qu'il n'est pas d'homme qui, à un moment ou à un autre, on ait dû quitter son domicile pour se rendre on ne sait trop où, au loin, et pour qui l'hospitalité, baigner les jambes des gens qui marchaient toute la journée, était une, offrir du pain, du vin, était véritablement une bénédiction. Et ce sont des choses auxquelles ils ont, ces Grecs étaient très sensibles et que Homère ne cesse de célébrer, y compris lorsque cette hospitalité est lourde d'arrière-pensée, et en particulier cannibale chez Polyphème, lorsqu'il fait entrer ses 12 ou ses 10, je ne sais plus combien ils sont, visiteurs, et dont le premier soin est d'entrechoquer les crânes de deux d'entre eux pour les manger immédiatement. Mais iriez-vous jusqu'à comparer Ulysse à un migrant ? On parle de l'hospitalité si on se met de l'autre côté. Non. Non, parce que la disproportion est moindre, le dénivelé est moindre entre des pays développés où, par exemple, il existe un État fortement enraciné, stable, puissant. Des pays capitalistes développés, allons-y. Et puis des pays émergents où les conditions de vie sont précaires et où on le vérifie encore tous les jours. Tout peut arriver à tout instant. Non, je ne le percevrai pas comme un migrant. Et puis Ulysse veut rentrer chez lui et non pas fuir. Et non pas fuir aussi bien. C'est un autre monde que nous habitons, sachant qu'une partie, non pas seulement des pensées que nous roulons, mais des sentiments dont nous sommes le siège, a trouvé une expression à la fois très approchée et proprement éblouissante sous la plume sur la lèvre d'un aède du 9e ou du 8e siècle avant Jésus-Christ dans le Péloponnèse. Merci beaucoup Pierre Bergugnou d'être venu nous parler de l'Odyssée ce matin, de Ménélas à Nausicaa, en passant par les sirènes, Télémaque et le radeau d'Ulysse qu'il décide de laisser voguer sur les flots et de se servir de ses propres mains. On mettra sur le site des Chemins de la Philosophie les ouvrages de vous que l'on peut lire. Je lui dis, vous avez enseigné au collège, vous avez aussi enseigné aux Beaux-Arts, je crois. Oui. Eh bien, merci d'être venu ce matin partager votre connaissance de ce texte. On se quitte avec un dernier chant, un chant grec. Figurez-vous, une chanson grecque. Ulysse, tu tardes à rentrer, c'est Elisa Velia. Τα ταιρίζουνε μέσα στο σπίτι σαν χαμένη ψυχή που σκυρτά. Στου παράθυρου το κάδρο μηδρά ξεχωρίζει μια σκιά που περνά βιαστικά. Το κορμί της στείνουν τα φώτα της πόλης που γλιστρούν στο δωμάτιο κλεφτά. Βηματίζει όλη νύχτα από τείχο σε τείχο με τα χέρια δεμένα σφιχτά. Στο χάραμα πάνω στο πρεβάζι ακούμπα και στον αέρα της λέξης κορπά. Αχ, Οδυσσέα άργης και μου τελειώνει το νήμα. Έχεις καρδιά ναυτικού και σε μαγεύει το κύμα. Οι τείχοι αυτού του σπιτιού δεν κάνουν για σένα. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. Il est temps de retrouver le journal de la philo, présenté par Géraldine Mosna-Savoie. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Vous avez regardé Netflix ce week-end. Et j'ai essuyé cette remarque, Adèle. Pourquoi de temps en temps tu n'irais pas au cinéma, voir des films en vrai ? Voir des films en vrai. L'expression m'a frappée, comme s'il y avait véritablement une différence entre une image vue dans le salon d'un appartement et une image vue dans une grande salle. Comme s'il y avait une différence entre une image vue par moi seule et vue par des dizaines de personnes en même temps. Comme s'il y avait enfin une différence entre une image projetée sur un écran d'ordinateur, de télé et de cinéma. Voilà ce qui m'a donc taraudé ce week-end, savoir ce que ça voulait dire voir un film en vrai. L'expression est cocasse, depuis quand des images seraient-elles vraies et plus vraies vues à un endroit plutôt qu'à un autre ? Vous parlez d'un problème qu'a le cinéma actuellement, c'est les plateformes. C'est vrai que le cinéma doit être vu sous les grands écrans. C'est essentiel. Malgré tout. Mais il est vrai aussi que les plateformes permettent à des milliers de gens qui n'ont pas accès à les grands écrans de voir les films. Ça, c'est le côté positif. Mais je pense aussi que les plateformes doivent changer profondément de politique pour pouvoir que leurs films soient vus aussi sur le grand écran. On commence à connaître la chanson sur les plateformes de diffusion télé et cinéma. Celles-ci, malgré leur dimension démocratique, seraient coupables de nous couper du monde, de nous éloigner un peu plus du réel, de nous offrir des divertissements en masse, et qui dit masse dit de moindre qualité. Autrement dit, elles seraient coupables de nous proposer une expérience visuelle, et en particulier cinématographique, qui serait moins valable que celle qu'on aurait en salle. Une expérience banalisée, médiocre, inauthentique, fausse donc. Mais en quel sens? Pourquoi un visionnage en petit, seul, rapidement, sans se déplacer, serait-il moins vrai qu'un autre? Alors il y a évidemment l'argument technique. La qualité des images, du son, le calme d'une salle noire, de bons sous-titres, pas d'interruption extérieure, pas ou moins de tentation de prendre son téléphone, sont autant de paramètres qui assurent une attention précieuse et totale à ce qui se déroule sous nos yeux. Et puis il y a un autre argument, cet argument de l'humain. Ça existe la salle de cinéma, ce besoin d'être ensemble. Parce que le cinéma, ça n'est pas juste des images meilleures que d'autres, des images pures contre l'impur. Ça n'est pas juste le grand écran contre le petit, lever les yeux plutôt que les baisser. Le cinéma, c'est la salle de cinéma. C'est être ensemble, quoi, c'est vrai. Sortir de chez soi, ce miracle-là, plutôt que de rester là, à manger des pizzas en regardant Netflix, ou bien regarder sa pizza. Ou bien se regarder en train de regarder sa pizza. Le cinéma, c'est ça. C'est le collectif, c'est le groupe, c'est la chaleur humaine. Pour ouvrir la dernière édition du Festival de Cannes et rendre hommage au cinéma, Édouard Baird a fait cette comparaison entre Netflix et la salle de projection. Apparemment, ce serait mal de manger une pizza devant un film et pire encore de le faire seul. Il y aurait donc une bonne manière technique et il faudrait avoir de bonnes manières morales, éthiques pour regarder des films. Du vrai au bon, du mieux au meilleur, des conditions techniques aux conditions morales, le cinéma serait devenu un art sacré, à vénérer en vertu d'un certain nombre de règles. Ce qui semble fou quand on se souvient de ce que disait le philosophe Walter Benjamin sur l'œuvre d'art à l'ère de sa reproductibilité technique, tel le film. Je le rappelle, Benjamin relevait dans les années 30 comment le cinéma n'avait plus rien de l'aura mystique de l'ici et maintenant de la peinture. Désormais, comble du sort, c'est Netflix qui pousse le principe reproductif de l'image à fond et qui ferait perdre au cinéma l'aura, l'ici et maintenant, soit l'authenticité du film. Par quel paradoxe, en étant venu à louer le cinéma avec des arguments mystiques, d'un autre temps, adéquat pour d'autres arts, le cinéma serait-il donc devenu un art de vieux ? Stupide petit écran, c'est horrible. Et vous posez la question de Netflix. Il y a une réalité, et au cours des 8-9 dernières années, on a tenté de faire ce film. Personne n'y était intéressé à Hollywood. Ça paraît fou. Mais oui, c'est la fin. C'est comme ça. De Niro? Non. Al Pacino? Non. Moi? Pour ce type de film? Non. Pourquoi ne pas louer le cinéma à l'ère Netflix? Est-ce si grave de ne pas voir en grand? Est-ce si grave d'aller aux toilettes? Est-ce si grave de regarder son téléphone, de ne pas être dans une salle obscure? Derrière ces arguments techniques, humains, moraux, il y a au fond quelque chose qui chiffonne l'enfant de la télé que je suis. L'art, le vrai, devrait se payer d'efforts. Il ne serait à portée que de ceux qui s'y préparent, qui se mettent dans certaines conditions. Or, l'expérience de l'art, de l'image, de la copie du réel, je le demande, sont-ils une question de vrai et de vérité ? Merci beaucoup Géraldine, votre chronique est à réécouter devant votre écran sur le site des Chemins de la Philosophie. Un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'aide chaque jour à préparer cette émission. Isis Jourda, Manon de la Selle, Jules Barbier, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Nicolas Berger qui réalise cette émission, Alice Seyel qui était à la prise de son aujourd'hui, Thibaut de Montalembert à la lecture des textes. On se retrouve demain pour la suite de notre série sur l'Odyssée. Demain, nous serons en compagnie de Suzanne Saïd et on parlera de Calypso, de Circé et autres personnages féminins qui peuplent l'Odyssée. On se demandera si l'on peut mentir à tout prix, si toutes les raisons sont bonnes de détourner le vrai et de se plonger dans le faux, et si ces notions même de vrai et de faux ont encore un sens quand il s'agit de séduction et de poésie. Ce sera demain à 10h. D'ici là, pour réécouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture, page des Chemins de la Philosophie. Vous pouvez écouter l'émission en ligne ou bien la podcaster, la télécharger pour l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. Rendez-vous aussi sur les réseaux sociaux. L'équipe des Chemins a un compte Instagram, un compte Facebook et un compte Twitter que nous alimentons quotidiennement et qui n'attendent que vous. On se retrouve demain à 10h. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.